Document 4, page 10. Bonjour, c'est pour un passeport. Votre nom, s'il vous plaît. Mérieux. Comment ça s'écrit ? M-E-R-I-E-U-X. Nom de jeune fille ? Perron. P-A-I-R-O-N. Prénom ? Jeanne. Date de naissance ? Le 13 mai 1965. Vous êtes née où ? À Lille. Situation de famille ? Mariée, 3 enfants. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Fleuriste. Adresse ? 6 rue Voltaire, à Lyon. Est-ce que vous avez les 3 photos ? Oui, voilà. C'est bon, merci. Excusez-moi, vous n'êtes pas Paul Tessier ? Mais si. Ah ! Jeanne ! Toujours aussi belle ! Oh, je vieillis. Et toi, toujours célibataire ? Eh non ! Divorcé. J'ai un enfant.